Chapitre 46e. Monsieur le vicomte Andrea était, depuis la veille, dans une grande perplexité. Lui, l'homme de génie, qui jugeait les événements et les hommes d'un coup d'œil assuré, éprouvait maintenant comme une sorte d'hésitation. On eût dit qu'une ombre avait passé tout à coup sur son intelligence. Une chose préoccupait fort, depuis 24 heures, monsieur le vicomte Andrea. Cette chose, c'était la brusque métamorphose de Baccarat. Que signifiait-elle? Le baronet Sir Williams, déguisé la veille en commissaire, après avoir assisté à l'entretien de Turquoise et de Baccarat, après les avoir conduites rue de Bussy sous la livrée du cocher, et enfin, après avoir déménagé la malle et l'humble bagage de la première, l'avait accompagné rue Blanche. Là, il l'avait questionné sur les moindres gestes et les paroles les plus insignifiantes de Baccarat, soit chez elle, soit chez le notaire. Mais Baccarat avait merveilleusement joué son rôle, si merveilleusement que malgré sa lucidité d'esprit, le baronnet n'avait pu deviner la vérité. Ce soir-là, il était rentré vers 10 heures à l'hôtel de la rue Culture-Sainte-Catherine, montant sans bruit jusqu'à sa mansarde, où il s'était soigneusement enfermé. Puis, il avait ouvert la fenêtre qui donnait sur le jardin de l'hôtel. Sir Williams avait besoin d'air et de solitude, comme tous les gens qu'absorbe une vaste méditation. Accoudé à la croisée de sa mansarde, la tête nue, le front baigné par l'air glacé d'une nuit d'hiver, le baronnet se posait les questions suivantes avec ce sang-froid, cette pénétration d'esprit qui le caractérisait. Baccarat croyait-elle à son repentir? Baccarat elle-même était-elle réellement repentie et jouait-elle une comédie pour amener Fernand à la raison et l'arracher à Turquoise? Ou bien son revirement subi vers le mal était-il sincère et motivé par la conduite de Fernand Rocher? Le baronnet répondit aussitôt à la dernière de ces trois questions. « Il est évident, se dit-il, que la vertu est, comme le vice, une chose qui se pratique d'enthousiasme. Or, Baccarat aimait Fernand, elle l'avait perdu dans l'esprit d'Hermine, et il est arrivé pour elle une chose réellement vulgaire. Par un mot, pour Fernand, qui ne l'aimait pas, elle s'est sacrifiée. » L'amour est une grâce de Dieu pour les courtisanes. Baccarat est devenue repentante et vertueuse par amour. Ceci, aux yeux de Sir Williams, paraissait incontestable. Maintenant, reprit-il à part lui, une pécheresse peut-elle devenir tout à fait et à jamais honnête? Les uns disent oui, moi je dis non. Tant que Baccarat avait Fernand heureux et aimant sa femme, elle s'est enveloppée douillettement dans son abnégation, dans son amour résigné. Elle s'est couverte de bure, et mener de bonne foi la petite existence d'anachorète dont j'ai, moi, prudemment, habillé mes projets. Seulement, le jour où elle a vu Fernand en aimer une autre, il est fort possible qu'elle ait eu le vertige que le gouffre refermé se soit entrouvert de nouveau. Si cela est, Baccarat n'est point à craindre, mais il peut se faire encore qu'elle joue un petit rôle. Alors, ou elle me le dira, ou elle me cachera soigneusement la vérité. Dans le premier cas, c'est qu'elle veut arracher son Fernand à Turquoise et compte sur mon secours. Dans le second, c'est qu'elle se défie de moi. Et alors ? Le baronnet ne compléta point sa pensée. Il craignait de s'arrêter à cette hypothèse que Baccarat deviendrait son antagoniste. « La fille est forte, pensa-t-il, et j'aurais pu, sans son sot amour, en faire quelque chose. Si elle est contre moi, j'aurais un terrible adversaire. » Et le baronnet continua à rêver, ou bien l'heure qui passait, et les premiers rayons de l'aube le trouvèrent debout, à la même place, l'œil rêveur, et fixé sur les grands arbres dépouillés du jardin. Cette nuit de méditation avait fait surgir, claire, nette, flamboyante, une idée unique dans le cerveau de Sir Williams. Cette idée, c'était l'arrêt de mort de Baccarat. « Si elle m'a deviné, se dit-elle, elle doit mourir. Si elle croit mon repentir, sans elle peut me gêner encore. Et je dois m'en débarrasser. » Ceci brièvement formulé, Sir Williams quitta l'hôtel vers 8 heures du matin et prit un fiacre aux environs de l'hôtel de ville. Il se rendit rue Bussy. On se souvient que la veille, il s'était déjà présenté 2 fois chez Madame Charmet sans parvenir à la rencontrer. 2 motifs attiraient Sir Williams rue de Bussy. Le désir de pénétrer les secrets de Baccarat d'abord, ensuite un sentiment dont le baronnet ne se rendait pas bien compte encore. Ce sentiment, confus jusque-là, datait de la première visite de Sir Williams à Madame Charmet, il y avait 2 jours. Sir Williams avait vu la petite juive. Cette tête d'ange où rayonnait comme un reflet lointain de l'Orient, cette beauté enfantine qui rappelait la gazelle du désert, avait vivement impressionné l'âme de bronze du baronnet. Toute âme, si bien cuirassée qu'elle soit, a son défaut imperceptible par où elle devient vulnérable. Celle de Sir Williams, qui paraissait inaccessible à tout sentiment humain, avait cependant éprouvé tout à coup un tressaillement, quelque chose qu'on aurait pu comparer à cette émotion subite et rapide qui s'empare des plus braves sur le champ de bataille à l'heure où le canon entonne. Cette émotion avait livré à Baccara le secret de Sir Williams. Cette attraction mystérieuse que la petite inconnue exerçait sur lui pouvait le perdre. 9 heures sonnaient au moment où Sir Williams se présenta rue de Bussy. La vieille servante avait sa leçon faite. « Madame est partie hier soir, » dit-elle. « Où est-elle allée ? Je ne sais pas. Quand reviendra-t-elle ? Je l'ignore. » Et comme Sir Williams insistait et lui mettait un louis dans la main, « Tout ce que je puis vous dire, c'est que madame m'a dit qu'elle allait rue Moncey. » Le baronnet l'avait deviné, mais il était nécessaire qu'il l'apprît de la bouche de la servante, pour qu'il osât se présenter au petit hôtel. Sir Williams, aux yeux de Baccara, ne devait rien savoir de ce qui s'était passé. Sir Williams devait avoir tout appris par hasard. Ce principe admis, il était évident qu'il ne pouvait se présenter rue Moncey avant midi. De la rue de Bussy, le baronnet s'en alla donc chez Rocambole. Rocambole était absent et prenait en ce moment-là sa leçon d'escrime rue Rochechouart. Mais le baronnet passait chez lui pour son oncle et avait à sa dévotion les gens du vicomte. Il se fit servir un copieux déjeuner, fuma quelques cigares, dégusta une tasse de thé et attendit patiemment l'heure de sa visite à Baccara. Puis vers 1 heure, il remit sur sa tête son large chapeau à bord un peu gras, boutonna sa longue redingote, lassa ses gros souliers, mit ses gants de coton et s'en alla à pied, toujours absorbé dans sa profonde méditation. « Il est évident, se disait-il, que je ne puis pas rester plus longtemps dans le doute. Aujourd'hui, je dois savoir à quoi m'en tenir, et quand je le saurai, j'aviserai un moyen convenable et discret de me débarrasser de cette petite Baccara. » Sir Williams sonna la grille de la rue Moncey avec l'humilité craintive d'un mendiant. Il salua profondément le domestique qui vint lui ouvrir. Il s'inclina devant la femme de chambre comme devant une duchesse. Il eut l'air d'admirer, avec la naïve convoitise des pauvres, le brillant équipage de la Baccara ressuscité. Quand la femme de chambre, sur un ordre de sa maîtresse, le conduit au boudoir, il y prit, sur le bord d'une chaise, l'attitude d'un pauvre diable qui entrerait dans un palais pour la première fois. La femme de chambre partie, Sir Williams, demeuré seul, se reprit à méditer. Mais cet homme était réellement fort et se défiait de tout. Il savait par expérience que si les murs ont souvent des oreilles, ils ont quelquefois des yeux, et il demeura humble, pensif, étonné, quoique seul. Qui sait ? Baccara avait peut-être l'œil collé à quelque trou imperceptible, dissimulé dans les plis d'une draperie ou sous le cadre d'un tableau. Ce fut alors que la pécheresse ouvrit l'armoire, par les profondeurs de laquelle les sons arrivaient clairs et distincts du cabinet de toilette dans le boudoir. Sir Williams put entendre alors cette conversation excentrique et décolletée des deux pécheresses, et tout autre que lui, peut-être, eût été fixé sur le champ. Tout autre aurait cru à ce retour vers le vice avec l'aveuglement de la conviction. Mais Sir Williams ne se trouva point convaincu. Ce pouvait être une comédie jouée à son intention. Cependant ces mots, qu'il entendit distinctement, va rejoindre mon visiteur au salon, l'impressionnèrent assez vivement. Sir Williams connaissait parfaitement la distribution intérieure de l'hôtel, et s'il ignorait cependant la disposition particulière de l'armoire située dans le cabinet de toilette, au moins il savait que le salon était assez éloigné de cette dernière pièce pour qu'aucun phénomène d'acoustique n'y s'y pût produire. Or, si Baccara le croyait réellement au salon, il était évident encore qu'elle parlait sincèrement. Ces réflexions jetèrent une certaine perplexité dans l'esprit du baronnet. Ce fut même avec impatience qu'il attendit Madame de Saint-Alphonse, ou plutôt la personne qu'il avait entendu parler. Madame de Saint-Alphonse, à qui Baccara n'avait fait aucune confidence, descendit fort naturellement au salon, n'y trouva personne et interrogea la femme de chambre. Celle-ci répondit qu'elle avait fait entrer le visiteur dans le boudoir. Elle s'y rendit. Sir Williams, son binocle à la main, examinait en amateur les peintures du boudoir. Il se leva à demi en la voyant entrer et la saluait obséquieusement. La courtisane lui rendit son salut par une demi-révérence pleine de hauteur et toisa assez dédaigneusement son piètre costume. Sir William s'en conclut sur le champ que Baccarat n'avait dû lui faire aucune confidence. « Madame Baccarat va venir, monsieur, » dit la sainte Alphonse. « Elle achève de s'habiller. » Sir William salua, toujours gauche et embarrassé. Madame de sainte Alphonse pensa que monsieur André Tissot était un vulgaire imbécile, qui ne méritait pas qu'elle se mît en frais de conversation et alla au piano et promena négligemment ses doigts sur le clavier pendant 20 minutes. « Il est bien certain, » pensait Sir Williams, « qu'aux yeux de cette drôlesse, je suis un abominable cuistre. » Il se prit à tambouriner sur le bras de son fauteuil avec ses doigts, tandis que la sainte Alphonse épuisait son répertoire de lambeaux de polka et de bribes de valse nouvelle. Tout à coup la porte s'ouvrit et Baccarat parut. Elle parut sur le seuil de cette porte qui reliait le boudoir au cabinet de toilette et s'arrêta stupéfaite en laissant échapper un petit geste de surprise. Ce fut si bien joué que Sir Williams fut dupe de la comédie. « Ah, vous voilà, mon cher, » dit Baccarat d'un ton léger. « Mille pardons de vous avoir fait attendre. » Sir Williams demeura stupéfait de cet aplomb. Baccarat se pencha sur lui, parut hésiter un moment, puis elle lui dit rapidement « Monsieur le vicomte, vous qui avez été un grand coupable et qui maintenant est devenu un saint, vous serez indulgent pour moi, n'est-ce pas ?» Le vicomte tressaillit. « J'aimais Fernand. » Continua Baccarat à voix basse. « Mon amour m'avait converti et j'étais revenu au bien. Le jour où j'appris qu'elle aimait une de mes pareilles, le pied m'a glissé de nouveau. Je suis redevenu Baccarat. » Elle lui tendit la main. « Adieu, » dit-elle. « Un abîme nous sépare désormais. Vous ne me reverrez pas. Mais vous me plaindrez, n'est-ce pas ?» Elle fit un pas et par un geste laissa comprendre qu'elle ne voulait entrer dans aucune explication. Puis se tournant vers Madame de Saint-Alphonse, « Viens-tu au bois ? » dit-elle. Andrea, stupéfait, prit son chapeau, se dirigea vers la porte en soupirant. « Dieu ait pitié de vous, mon enfant !» Il s'en alla, presque convaincu de la nouvelle métamorphose de Baccarat. Le vicomte Andrea partit, Baccarat et sa compagne montèrent en voiture. Le landau descendit rapidement la rue de Clichy, tandis que Sir Williams s'en allait par la rue Blanche et montait chez Turquoise. On touchait alors au premier jour de février. Le ciel était sans nuages et l'air était aussi doux qu'à la fin de mars. La place de la Concorde, le bois, les Champs-Élysées étaient encombrés d'équipages et de cavaliers. Ce qu'on nommait la jeunesse dorée s'y était donné rendez-vous. Tout le Paris élégant allait au bois ou en revenait. Il était à peu près 3 heures lorsque le landau monta au petit trot l'avenue des Champs-Élysées. L'attelage, la voiture, la beauté des deux femmes, étalant au soleil leurs merveilleuses toilettes, attirèrent bientôt l'attention. Au rond-point, le landau fut croisé par 2 jeunes gens à cheval. L'un était un Russe, le comte Artoff, celui-là même dont Madame de Saint-Alphonse avait parlé à Baccarat. L'autre était le jeune baron de Manerve, un ami de ce pauvre baron d'eau, si malheureusement tué en duel 3 ans auparavant. « Dieu me damne !» s'écria le baron de Manerve. « Si cette blonde enchanteresse n'est pas Baccarat !» Et il arrêta brusquement son cheval qui se cabra à demi. « Qu'est-ce que Baccarat ?» demanda le gentilhomme russe qui venait d'échanger un rapide salut avec Madame de Saint-Alphonse. Le baron de Manerve regarda son jeune compagnon comme on regarderait, en plein salon du faubourg Saint-Germain, un porteur d'eau qui se ferait annoncer. « Ah ça, mon cher ami, dit-il, d'où sortez-vous ? » ?»« Mesdames, répondit fort naïvement le comte Artoff, je sors de chez moi aujourd'hui et je suis arrivé de Saint-Pétersbourg il y a 6 semaines. »« C'est juste, dit le baron en riant. Quel âge avez-vous, au fait ? » ?»« 20 ans, mon cher baron. Vous étiez un enfant, au temps de Baccarat. Mais enfin, qu'est-ce que Baccarat ? » ?»« Tenez, dit le baron. Tournons bride et suivons le landau au petit trot et à distance. Je vous dirai d'abord l'histoire de cette femme, puis, si la fantaisie vous en prend, je vous présenterai. » Les 2 cavaliers firent volte-face et suivirent le landau qui continuait sa route. « Mon cher, dit alors le baron de Manerve à son compagnon, avez-vous entendu parler de ce pauvre baron d'eau tué en duel il y a 3 ans ? Oui, certes. C'était mon ami intime, je le sais. Eh bien, le baron avait lancé Baccarat, hein ? Il l'avait prise rue du Faubourg Saint-Antoine, à 1/5 étage, et l'en avait fait en 2 ou 3 ans, grâce à la merveilleuse beauté et à la race intelligente dont elle était douée, la femme la plus à la mode du monde interlope. Pendant 4 ou 5 ans, Baccarat eut les plus beaux chevaux, les plus belles voitures, à porter les toilettes les plus excentriques et les plus riches. C'était une fille d'esprit. Les gazetiers allaient chez elle recueillir des mots pour leurs feuilles de théâtre. Ses soupers étaient un champ de bataille ouvert aux discussions de toute nature. Une femme du monde, pendant une absence momentanée de baccarat, corrompit ses gens pour être admise à visiter en cachette son cabinet de toilette. Un grand pianiste est devenu fou d'amour en la voyant. X, le peintre célèbre, s'est brûlé la cervelle après lui avoir écrit. Mais elle n'avait donc pas de cœur. Le baron haussa les épaules. « Vous êtes jeune, » dit-il. « C'est possible, » murmura le comte Artof qui se mordit les lèvres. « Avez-vous lu Balzac, tout entier ? Vous souvenez-vous de Fedora ? Fedora, de la peau de chagrin, précisément ? Parbleu, oui, je m'en souviens. Eh bien, Baccarat était, pour la sensibilité, taillé sur le même patron. Diable ! Le seul homme qu'elle ait aimé 8 jours, c'était le baron de O. Et elle l'a toléré pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'il l'aimait et se cramponnait à elle, aveugle avec discernement, indulgent par principe, et se contenant, par égoïsme, de l'affectueuse estime qu'elle lui témoignait. Après, fit le jeune russe, qui commença à être intéressé par ce récit. Un jour, Baccarat disparut. De Paris ? Non, du monde. Quelle plaisanterie ! « Je ne plaisante jamais à propos d'un ami défunt, » répondit gravement M. de Manerve. Et il reprit, d'un ton moins lugubre, « Un soir, ce pauvre Do vint chez moi. C'était un an avant sa mort. « Mon ami, me dit-il, je viens te demander un conseil. « Je t'écoute, » répondis-je, frappé de sa pâleur, de son visage bouleversé et de l'accent ému de sa voix. « Baccarat ne m'aime plus. « Bah, lui dis-je, il y a 4 ans qu'elle a cessé de t'aimer. » Je le sais, et je m'explique mal, alors. Je veux dire qu'elle me dit adieu. Hein ? Fis-je stupéfait. Il soupira profondément. Je ne peux rien te dire, continua-t-il, car je ne sais moi-même que fort confusément ce qui lui est arrivé. Mais il paraît qu'elle a eu un grand amour au cœur. Tu rêves, Baccarat n'a pas de cœur. Elle en a trouvé un probablement, fit-il avec un triste sourire. Lis plutôt. Et il me passa un billet, à peu près conçu en ces termes, « Mon cher Do, vous avez été mon bienfaiteur, et je ne veux pas que vous me teniez pour ingrate. Une passion terrible, immense, a broyé mon cœur à ce point qu'il m'a fallu choisir entre la mort et le repentir. Je me repens, et j'entre ce soir aux sœurs grises. » Suivait une phrase d'adieu et de banale consolation. « Eh bien, » demanda le jeune russe, « eh bien, Do était désespéré. Il venait me demander un conseil, il voulait se tuer. Mon cher, lui dis-je, il y a 3 remèdes contre un désespoir d'amour, le suicide, le temps, les voyages. Va faire un tour en Italie ou jusqu'en Grèce, en Turquie, reviens par l'Allemagne, et si à ton retour tu n'es pas guéri, tu te tueras. Le baron suivit mon conseil, il voyagea 1 an, revint aussi malade que le jour de son départ, chercha une querelle, la trouva et se fit tuer. Et Baccarat ? Baccarat hérita de lui. Mais qu'était-elle devenue ? Quel usage fit-elle de la fortune du baron ? Mystère. Et on ne l'a jamais revue ? Jamais. Et vous croyez que cette femme que nous suivons, que j'ai à peine vue, moi, occupée que j'étais à saluer la Sainte Alphonse, c'est elle, je le jurerais. Les 2 cavaliers, en causant ainsi, avaient, sans perdre de vue le landau, franchi la barrière, suivit l'avenue de Neuilly, et ils entraient par la porte de Maillot dans le bois. « Venez, » dit le baron de Manerve, « pressez votre cheval. Nous allons les rejoindre et nous verrons bien. » Au bruit des chevaux trottant derrière la voiture, Madame de Saint-Alphonse était retournée à demi. « Tiens, » dit-elle à Baccarat, « voici mon jeune russe. » Baccarat se retourna. Les 2 jeunes gens approchaient au galop. « Par Dieu !» s'écria Monsieur de Manerve, « c'est bien Baccarat. » « En Chérionos, » répondit-elle, « et ma résurrection est un mystère. Chut !» Elle appuya un doigt sur ses lèvres. « C'est bien, » dit le baron, « vous me conterez cela plus tard. » Et montrant le jeune russe, « Chère madame de Baccarat, » dit-il, « permettez-moi de vous présenter mon ami le comte Artof, un jeune seigneur moscovite qui ignore le nombre de ses villages et passerait sa vie à compter ses paysans sans arriver à l'addition totale. Devint-il centenaire ?» Baccarat répondit au salut du boyard avec une aisance de duchesse. « Je vais mettre 2 impossibilités en présence, » continua le baron en riant. « Vraiment, » fit Baccarat, « une femme qui revient de l'autre monde. » C'est vrai, un homme impossible à ruiner. Monsieur est une exception, dit froidement Barcara. Une exception qui confirme la règle, ajouta le baron. Messieurs, dit Barcara, je rouvre mes salons mercredi prochain. Permettez-moi de commencer mes invitations par vous. Les deux jeunes gens s'inclinèrent. Elle leur dit adieu de la main, fit un signe, et le landau repartit. Ce soir, dit Barcara à Madame de Saint-Alphonse, tout Paris saura que je suis ressuscité. En effet, au bout d'une heure, le landau avait fait le tour du bois et Barcara avait échangé 20 saluts avec la fashion masculine. À 5 heures, le landau rentrait rue Moncey. Ma chère, dit Barcara à son ancienne amie, il est incontestable que le petit russe ira te voir ce soir. Tu sais ce que tu as à faire. Ta confiance m'honore et j'en serai digne, ma fille. Adieu, reprit-elle en s'élançant prestement au bas du landau. Mon cocher ira te mettre chez toi. Pardonne-moi de ne pas te garder à dîner. Je n'ai pas de cuisinière encore et je vais envoyer au restaurant. Mais demain, en revanche, j'irai dîner chez toi et tu me donneras une place dans ta loge, à l'opéra. Adieu. Barcara rentra chez elle, s'enferma dans son boudoir, se jeta à genoux et fondit en larmes. La pauvre comédienne n'était pas en scène et Madame Charmet pleurait du rôle odieux de l'impur Barcara.